Unité 63. Conversation. Écoutez. 1. Bonsoir, madame. Merci pour cette excellente soirée. 2. Oui, merci beaucoup. J'ai été très contente de faire votre connaissance. 3. J'espère que nous nous reverrons bientôt. 4. Ce sera avec plaisir. Écoutez. Alors, comment les trouves-tu? Très gentil. Tout à fait tel que tu me les avais décrits. Il est plus expansif qu'elle. Il est certain qu'elle est plus réservée, mais elle doit gagner à être connue. Répétez. 5. Alors, comment les trouves-tu? 6. Très gentil. Tout à fait tel que tu me les avais décrits. 7. Il est plus expansif qu'elle. 8. Il est certain qu'elle est plus réservée, mais elle doit gagner à être connue. 9. Bonsoir, madame. Merci pour cette excellente soirée. Dix. Oui, merci beaucoup. J'ai été très contente de faire votre connaissance. Onze. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Douze. Ce sera avec plaisir. 13. Alors, comment les trouves-tu? 14. Très gentil. Tout à fait tel que tu me les avais décrits. 15. Il est plus expansif qu'elle. 16. Il est certain qu'elle est plus réservée, mais elle doit gagner à être connue. 17. Tu es bien peigné aujourd'hui. 18. J'ai fait comme tu m'as dit, j'ai changé de coiffeur. 19. Tu es allé chez le mien? Qu'est-ce que tu en penses? 20. Oui, il est pas mal, mais rien d'exceptionnel. 21. Pourtant, je te trouve mieux peigné que d'habitude. 22. À mon avis, ni mieux ni plus mal. Répondez, répétez. 23. Tu es bien peigné aujourd'hui. 24. J'ai fait comme tu m'as dit, j'ai changé de coiffeur. 25. Tu es allé chez le mien? Qu'est-ce que tu en penses? 26. Oui, il est pas mal, mais rien d'exceptionnel. 27. Pourtant, je te trouve mieux peigné que d'habitude. 28. À mon avis, ni mieux ni plus mal. Écoutez. 29. Qui c'était? 30. Comme je m'y attendais, il ne vient pas. 31. De qui tu parles? 32. J'attendais Paul. Il vient de téléphoner qu'il devait aller au lycée. 33. Tu te mets encore en colère? C'est comme d'habitude, non? 34. Ça beau être comme d'habitude, je ne m'y habitue pas. 35. Pourquoi ne lui dis-tu pas une fois pour toutes ce que tu penses? 36. Tu parles, autant n'emporte le vent. Répondez, répétez. 37. Qui c'était? 38. Comme je m'y attendais, il ne vient pas. 39. De qui tu parles? 40. J'attendais Paul. Il vient de téléphoner qu'il devait aller au lycée. 41. Tu te mets encore en colère? C'est comme d'habitude, non? 42. Ça beau être comme d'habitude, je ne m'y habitue pas. 43. Pourquoi ne lui dis-tu pas une fois pour toutes ce que tu penses? 44. Tu parles, autant n'emporte le vent. Écoutez. Tu as vu? Encore un accident en montagne. Des skieurs qui sont sortis des pistes, je parie. Oui, deux jeunes qui faisaient du hors-piste malgré les risques d'avalanche. Maintenant, ce genre d'accident est moins rare qu'on ne croit. Ce n'est pas étonnant. Oui, Comme il y a de plus en plus de monde sur les pistes... Il faut quand même être bien inconscient. Que veux-tu? Les gens font tout ce qui leur passe par la tête, sans penser aux conséquences. Répétez. 45. Tu as vu? Encore un accident en montagne. 46. Des skieurs qui sont sortis des pistes, je parie. 47. Oui, deux jeunes qui faisaient du hors-piste malgré les risques d'avalanche. 48. Maintenant, ce genre d'accident est moins rare qu'on ne croit. 49. Ce n'est pas étonnant. 50. Oui, comme il y a de plus en plus de monde sur les pistes. 51. Il faut quand même être bien inconscient. 52. Que veux-tu? Les gens font tout ce qui leur passe par la tête, sans penser aux conséquences. 53. Tu as vu? Encore un accident en montagne. 54. Des skieurs qui sont sortis des pistes, je parie. 55. Oui, deux jeunes qui faisaient du hors-piste malgré les risques d'avalanche. 56. Maintenant, ce genre d'accident est moins rare qu'on ne croit. 57. Ce n'est pas étonnant. 58. Oui, comme il y a de plus en plus de monde sur les pistes. 59. Il faut quand même être bien inconscient. 60. Que veux-tu? Les gens font tout ce qui leur passe par la tête, sans penser aux conséquences. 61. Alors, j'achète du jambon, du pain et des allumettes. 62. Oui, fais bien attention à la monnaie. 63. Il y a assez d'argent dans le porte-monnaie? 64. Oui, beaucoup plus qu'il ne t'en faut. 65. Non, il n'y en a pas autant que tu crois. Il y a seulement 20 francs. 66. Mais comment? J'ai mis 100 francs ce matin et je n'ai acheté que des fruits et de la salade. 67. Comme tu vois, il n'y a que ça. 68. Alors qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne vois pas du tout. Répondez, répétez. 69. Alors, j'achète du jambon, du pain et des allumettes. 70. Oui, fais bien attention à la monnaie. 71. Il y a assez d'argent dans le porte-monnaie? 72. Oui, beaucoup plus qu'il ne t'en faut. 73. Non, il n'y en a pas autant que tu crois. Il y a seulement 20 francs. 74. Mais comment? J'ai mis 100 francs ce matin et je n'ai acheté que des fruits et de la salade. 75. Comme tu vois, il n'y a que ça. 76. Alors qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne vois pas du tout. Écoutez. 77. C'est vraiment toi qui as fait cette table? Chapeau. 78. Oui, ce n'est pas aussi difficile que tu crois. 79. Tu pourrais m'aider à en faire une pour moi? 80. Volontiers, d'autant plus qu'il me reste du bois. 81. J'ai peur de ne pas être aussi habile que toi. 82. Il suffit de suivre les mêmes instructions que celles que j'ai suivies. Répondez, répétez. 83. C'est vraiment toi qui as fait cette table? Chapeau. 84. Oui, ce n'est pas aussi difficile que tu crois. 85. Tu pourrais m'aider à en faire une pour moi? 86. Volontiers, d'autant plus qu'il me reste du bois. 87. J'ai peur de ne pas être aussi habile que toi. 88. Il suffit de suivre les mêmes instructions que celles que j'ai suivies.